Chapitre 11e. Ikoterukan n'avait pas frissonné sans raison. Il venait d'entendre Aang ordonner qu'on le mît à la cangue. En effet, les deux Chinois se dirigèrent vers une petite galerie percée dans la paroi de la caverne et qui devait servir de magasin. Ils en sortirent aussitôt avec une énorme cangue, si lourde qu'ils pouvaient à peine la porter. Tout le monde sait ce que c'est qu'une cangue. Un large panneau de bois percé de trois trous, un pour la tête et deux pour les mains, et que l'on place sur les épaules des condamnés en Chine. Les deux Chinois, ayant déposé l'instrument de supplice auprès du détective, s'approchèrent de lui et lui délièrent les mains. Ikoteruka se laissa faire, comme s'il eût été à bout de force. Mais comme les Chinois lui saisissaient les poignets pour les introduire dans les trous de la cangue, il se dressa soudain, se débarrassa des célestes d'une secousse, en abattit un d'un coup de talon dans le ventre en même temps que ses deux mains se resserraient autour du cou du deuxième et l'étranglaient net. Puis, s'étant emparé du poignard qu'un des Chinois portait à la ceinture, il s'en servit pour trancher d'un revers les cordelettes qui en serraient ses chevilles. Il se redressa libre. Aang et les jeunes Chinois accroupis au pied du trône du maître sans nom bondirent en hurlant. Ikoteruka, se baissant, évita l'atteinte du poignard que lui lançait un des célestes et saisissant son ennemi par la taille, il le souleva et le projeta sur le gros Aang qui roula sur le sol. Ikoteruka ne perdit pas son temps. En trois bonds, il atteignit le trône du maître sans nom, arracha le voile du mystérieux personnage et lui porta en pleine face un coup de poing assommé un bœuf. Le maître sans nom roula de son trône sur le sol. Ikoteruka le souleva et, le tenant devant lui comme un bouclier vivant, cria « Laissez-moi passer ou je le tue !» Aang, qui s'était relevé et qui à la tête des autres Chinois s'apprêtait à bondir sur le fugitif, s'arrêta net. Ikoteruka s'élança vers l'entrée de la grotte qui était fermée. « Ouvrez » gronda-t-il, « tout de suite ou votre maître est mort !» Cet ordre fut instantanément obéi. Le bloc du roc qui fermait l'issue de la caverne tourna aussitôt sur ses pivots. Ikoteruka, haletant, s'engagea dans le souterrain. Il s'arrêta presque aussitôt, et se tournant vers une des sentinelles postées devant lui, lui ordonna de le précéder avec une torche. L'homme, tremblant de tous ses membres, saisit la torche accrochée à la paroi et alla se placer devant le détective. « Marche !» commanda Ikoteruka. Le Chinois obéit en silence. Ikoteruka, bien qu'il commençât à se fatiguer, avança rapidement. Il arriva au pont de liane et cria aux quatre Chinois de s'écarter s'ils ne voulaient pas que leur maître fût projeté dans le précipice. Les célestes, en proie à une terreur indicible, tournèrent la tête et firent entendre un morne gémissement. Ikoteruka, toujours précédé de son porteur de torche, passa. Encore quelques instants, et il atteignit l'orifice du souterrain. Il franchit le couloir rocheux et arriva sur la grève. Son cœur sauta de joie dans sa poitrine. Le sampan qu'il avait amené était toujours là, échoué dans le sable. Ikoteruka se dirigea vers lui. Au moment de s'y embarquer, il s'aperçut soudain que quatre mariniers se trouvaient dedans. Ils dormaient. Ikoteruka, d'une voix forte, les appela et leur ordonna de déséchouer le sampan au plus vite. Les célestes se dressèrent et virent le maître sans nom, qui, revenu de son évanouissement, gigotait éperdument au bout des bras du grand détective. « Dépêchez !» cria Ikoteruka, « ou votre maître est mort !» Cette menace n'obtint pas l'effet qu'en attendait le japonais. Les mariniers, saisis d'une épouvante folle, se jetèrent à plat ventre sur le sable et frappèrent le sol de leur front. Ce fut en vain que le détective leur ordonna de se lever. Ils étaient comme paralysés par la terreur. « Toi, crie-leur de déséchouer le sampan ou je te tue !» gronda Ikoteruka dans l'oreille de son prisonnier. Mais le maître sans nom ne daigna pas répondre. Ikoteruka, frémissant, se retourna. À moins de 20 mètres de lui, il put voir Aang qui le suivait, flanqué d'une vingtaine de célestes bien armés. Ikoteruka prit une décision. Il jeta son captif dans le sampan, y sauta derrière lui et, le saisissant par sa natte, lui cogna rudement le crâne contre le plancher de l'embarcation jusqu'à ce qu'il ne bougeât plus. Puis il ressauta sur le sable et, d'une formidable poussée, fit flotter le sampan dans lequel il s'embarqua. Sur le rivage, des hurlements de désespoir retentirent. Ikoteruka, bien qu'il fût à la limite de ses forces, saisit les avirons et rama vers le large. Le sampan glissa lentement sur l'eau calme. Pendant 20 minutes environ, Ikuteruka continua à ramer. Il put voir bientôt qu'une petite jonque le suivait. Il ne s'en inquiéta pas, mais peu après, s'étant penché pour voir ce que devenait son captif, il poussa une exclamation de désespoir. Le maître sans nom avait disparu.